Ouais. Agent V de vrai. Boycotté. 93-100. 2015. Ouais. Aïe. Et je comprends pas pourquoi on se déchire. Pour avouer qu'on s'aime, j'sais plus à qui demander conseil. Mon cœur se transforme en congé. L'amour est parti en congé. J'suis loin d'être cet homme comblé. À compter mes nombreux péchés, ça devient dur de les effacer. J'ai vu les larmes de la madrée quand j'ai volé et puis cravé. J'agis comme un attardé en laissant les choses s'empirer. Oui, j'ai surfé entre le mal et le bien quand on me parlait d'affaires. J'veux le bénéfice et j'sais que bien pour ça, j'peux me retrouver en enfer. On connaît la haisse, les parloirs à la tôle. Demande à Teddy. Le bout de shit entre les seufs pour connaître le sommet de minuit derrière les barreaux, frère. J'vois bien que mon moral diminue que 10 minutes de douche, ça. 3 fois par semaine, mes erreurs j'ai parsemé. Donc je récolte la haine. J'en ai rien à foutre ta peine. Me prends pas pour une tapette. Sache que si je touche le million royal, je me ferai la belle. Sache que si je touche le million royal, je me ferai la belle. Laisse-les parler, ces chiens traînent. Si j'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perpète. Donc t'étonnes pas qu'on se répète. Laisse-les parler, ces chiens traînent. J'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perfaite. Donc t'étonnes pas qu'on se répète. On m'a dit ça sert à rien de rapper avec ta dyslexie. Ça fait 13 ans que je m'y suis mis. J'dis sexy bien le beat. Lady sex and bitch. Chiffre coup de chlasse dans le beat, frère. T'es peu crédible comme Mr Bean. T'as 40 piges en bas du hall. Tu parles au petit avec ta bibine. Et toi tu joues la meuf clean. Autant dire que tu tapines. Toi tu fais le malin. Autant dire que t'es rien sans ta team. Oui t'as sucé un tas de beats. Pour voir ta voix sur verbatim. Verbal killer. J'vois les noms allongés sur la liste. Posé au salon entre les doigts. Un gros joint de cannabis. Me canalise en cas de crise. Révolte du soleil de Canary. On en a fait un tas de conneries. Car la merde on a connu. On la connaît à Corée. C'est v'là le dégât dans ma commune. J'aimerais faire passer un message. Comme le faisait Malcolm X. Oui attends. Allégorie. Après les sous on fait courir. Ils aiment nous ramener leurs gorilles. Veulent contrôler comment courir. L'état aime gaspiller nos blés. Ces gros porcs font que s'engraisser. En gros c'est les riches contre les pauvres. Et ça malgré l'époque. On maltraité escroc. Et ça malgré l'époque. On maltraité escroc. Motherfuck. Laisse les parler ces sales traîtres. C'est j'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perpète. Donc t'étonnes pas qu'on se répète. Laisse les parler ces chiens traîtres. C'est j'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perpète. Donc t'étonnes pas qu'on se répète. Laisse-les parler ces chiens traîtres. C'est j'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perpète. Donc t'étonnes pas qu'on se répète. Laisse-les parler ces chiens traîtres. C'est j'en ai mal à la tête. Voir certains frères prendre perpète. Donc t'étonnes pas qu'on se répète.